Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de la Ligue du Lac au Fleuve. On fait une chronique à toutes les semaines avec également Mathieu Garon, qui est le commissaire de la Ligue. Ça commence, si je ne m'abuse, en fin de semaine. Salut Mathieu! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. C'est ça, hein? Ça commence en fin de semaine, hein? En fin de semaine, c'est le dernier match en concours à l'horaire. Okay. Donc, le samedi soir, ça va être à Charlevoix, si au Côte-Nord les rend visite. Et la saison officielle commence le 13 octobre. OK. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour l'an 2? Là? C'est sûr que l'an 1, c'était le rodage. Là, l'an 2, maintenant, il faut s'attendre à quoi? Ben, comme je le dis toujours, là, l'année passée, on a dessiné la Ligue. Là, maintenant, on la colore. Donc là, cette année, on a changé quelques réglementations, comme mettons l'année des joueurs, comme un joueur qui évolue aussi dans la Ligue de la saison 3A, ben l'année passée, il pouvait juste jouer 5 parties. Dans la saison 3A, là, cette année, il va pouvoir jouer 8 parties en même temps qu'il a joué dans notre Ligue. Puis également aussi, on a augmenté le nombre de matchs pour les joueurs qui évoluent dans la Ligue nord-américaine. Comme des joueurs remplaçants, il peut arriver quelquefois, mettons, que les parties auraient besoin d'un joueur, ben ça permet à ces joueurs-là de pouvoir évoluer dans la Ligue sans les empêcher à jouer dans notre Ligue en tant que telle. Fait que ça, c'est les gros changements qu'on peut avoir côté des joueurs. Il va quand même avoir une incidence sur le niveau de jeu l'année prochaine. OK. Donc, un gars comme Simon Tremblay, Simon Tremblay qui va jouer pour... c'est un cas particulier. C'est un cas comme ça, exactement. C'est ça, hein? Ben exactement. Sinon, normalement, ce que tu comprends, c'est qu'il va y passer encore au marquis, mais je pense qu'il ne jouera pas à temps plein pour eux autres, donc il va pouvoir évoluer dans le à Dolbeau. Pareil comme Jérémy Vigneault-Bélanger qui va évoluer pour Jonquière cette année. Qui lui appartenait, je pense qu'il est rendu qui appartient à Berlin suite au départ de Trois-Rivières. Puis on a un autre joueur, Maxime Lévesque, qui lui appartient à Saint-Georges, mais qui reste à cette île, mais qui va pouvoir évoluer dans la Ligue pour autre côté l'année prochaine. OK. Donc j'imagine aussi que du côté des arbitres, il y a eu un rodage aussi là. Bah, c'est sûr qu'on a fait du recrutement. On est maintenant rendu avec un staff un peu plus. On était chercher un peu d'expérience à niveau de sur les officiels. On a quand même mon nouveau responsable des officiels, Martin Savoie, a monté une équipe qui est vraiment là, qui va vraiment bien gérer les parties durant la saison. OK. Est-ce que le fait que t'es commissaire, ça te donne plus de pouvoir? Qu'est-ce que ça te donne davantage pour toi? Parce que l'année passée, c'est toi qui s'occupais de la Ligue. Mais tu n'avais pas de titre comme tel. Là. C'est rien que vers la fin de l'année, je me m'abuse. Est-ce que ça change de quoi vraiment? Là? Ça te donne-tu plus de pouvoir? Ben c'est sûr que là, maintenant, là, je suis à la tête du bureau des commissaires, donc pas des commissaires, des gouverneurs. Donc c'est moi qui est le président de cette réunion-là. J'ai maintenant un droit de vote sur ce bureau-là. C'est vraiment un autre rôle en tant que tel de nouveau, c'est que je vais avoir beaucoup plus de la gestion, m'occuper du marketing, comment faire, que je vais devoir essayer de regarder pour ça, puis également aussi du côté expansion, parce que oui, on a toujours un projet d'expansion, rien encore qu'on peut annoncer à ce date-ci, parce qu'il n'y a rien qui a été travaillé, mais on regarde pour pouvoir avoir une expansion, donc ça va faire partie de mon mandat cette année de pouvoir faire ça. Maintenant, je m'occupe beaucoup des opérations, mais avec mon nouveau directeur hockey, comme je disais tantôt, Martin Savoie, Martin va s'occuper un peu plus de tout ce qui est opérationnel, vraiment, qui touche plus le hockey. Puis moi, je vais m'occuper vraiment plus de la gestion de la Ligue. OK. Dis-moi aussi, au niveau, vous avez pas ajouté un logiciel aussi qui va permettre de suivre mieux en ligne les résultats aussi? Ben effectivement, on a changé la plateforme du site web. On est maintenant rendu avec Gestion Choc Media. Ouais. Gestion Choc, c'est vraiment une plateforme qui est très populaire au niveau des ligues seniors. La Ligue 3, sont dessus. La Ligue nord-américaine sont dessus également. On a aussi on a plusieurs ligues là, qu'on est vraiment sur cette plateforme-là. Qui est vraiment plus fonctionnelle un peu pour qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis également, ben ça permet d'avoir une grande visibilité visibilité au niveau de la Ligue, puis également pour nos partenaires là, qui vont pouvoir, qu'on va pouvoir justement mieux publier sur notre site web. OK. Dis-moi, il y avait des matchs, je t'avais parlé l'an passé, de disputer peut-être des matchs hors concours contre d'autres ligues, comme la Ligue de la Mauricie ou quelque chose de même, question de se mesurer. Est-ce que ça, ça a été parlé, ça? Oui, on a discuté de ça, on a fait des approches. Malheureusement, dans le timing qu'on avait là, on n'a pas pu réussir à faire quelque chose. Mais éventuellement, là, ça va être un dossier qu'on va pouvoir regarder si peut-être en cours de saison et ou sinon pour l'année prochaine. OK. Ben Mathieu Caron, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va se parler à toutes les semaines, évidemment, pour parler de la Ligue du Lac aux Fleurs. Ça me fait plaisir. Mathieu Caron, le commissaire de la Ligue du Lac aux Fleurs.